J'suis bien dans mon rookie, oh. Trop d'ennemis, oh. J'vous souhaite l'envie, oh. J'vais péter un plomb. J'suis vénère comme t'as pas idée. Seul avec mes couilles, c'est moi qui les décide. Chez moi, quand on veut faire, on ne parle pas. Écoute bien ce que je dis, t'égare pas. Au check, c'était Gapa sur Gapa. L'or dans la chaussette, ça déclare pas. Arrête de chanter, tu fais chier. Arrête de me critiquer en face, tu me tues. Ouais, ouais, non. Tu fais les dios. J'vais viser si haut que vous me verrez plus haut. Où est la belle fille, oh. J'suis bien dans mon rookie, oh. Trop d'ennemis, oh. J'vous souhaite l'envie, oh. Même en fumée ta pilote, y'a tellement de fumée que je vois pas. J'crois que t'as craqué ta culotte. Depuis quand tu me parles comme ça, me calcule plus, tu m'as saoulé. T'en rigolerais de me voir couler. Bandit, bandit, ah tu me réponds, t'as grandi. Grandi pour les mecs au terre-terre du lundi au samedi, le dimanche c'est Bangui ou Plambi. Ouais, j'me languis, languis de bouger, j'vous l'ai déjà dit, et tout ça j'l'avais pas senti. Senti, restez fort, c'est ce que ça me dit, ça me dit. Eh ouais, mais non, tu fais les dios. Je vais viser si haut que vous me verrez plus haut. Où est la belle fille, oh? Je suis bien dans mon rookie, oh. Trop d'ennemis.